Un bon après-midi à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal à la langue française et dont voici les principaux titres. Deuxième journée ce jeudi de la prière d'action de grâce organisée par le parti CNDD-FDD à Gitega. Dans les discours d'ouverture au sommet crédit, le secrétaire général de ce parti croit que par Dieu, la réconciliation entre les Burundais est possible. Et pour l'archevêque du diocèse de Gitega, c'est une occasion pour les autorités burundaises d'implorer le Créateur pour guérir les souffrances des Burundais. La Commission nationale des terres et autres est bien assortie ce jeudi une famille de la DDI Arnaud de la maison 6 au quartier 3 de la zone Ngagara. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura pour la remettre à une veuve. La famille perdant parle plutôt d'une spoliation et d'injustice. Et le lac Tanganyika est plus menacé par des déchets qui s'y déversent. Selon l'environnementaliste Diomède Mujojuma, d'autres mesures réglementant la pêche devraient être prises après celles suspendant les activités de certaines sociétés. Et Polyweze, bienvenue à ce journal de mise en onde par Eric Wiman. À la présentation, vous êtes avec Placide Niamongere. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La prière d'action de grâce organisée depuis sommet crédit à Gitega par le parti CNDD-FDD est une occasion pour les membres de ce parti de rassurer leurs concitoyens. Le secrétaire général du parti au pouvoir a fait cet appel lors de son discours d'ouverture de cette prière de trois jours. Évariste Ndayishimiye croit que Dieu aime le Burundi et que par lui, la réconciliation entre Burundi est toujours possible. On l'écoute, il est traduit en français par Joseph Sabiabandi. Imana ifise umugambi ukomeye ku Burundi. Ibitubera intambamyi byose bikanadutera ubwoba nta nkeka izobirandura kandi iciye kuri twebwe abarundi. Dieu a un bon projet pour le Burundi. Il lèvera tous les obstacles qui nous font peur par le biais de nous-mêmes, les Burundais. Il peut y avoir quelqu'un qui doute que les Burundais ne peuvent plus se faire du bien. Bien sûr, pour quelqu'un qui a lu l'histoire de Paul, combien il a persécuté l'Église, personne ne pourrait croire que le même Paul soit le premier à répandre la bonne nouvelle du salut. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous nous confions en lui, nous les membres du CNDD-FDD, nul doute que tous les Burundais se joindront à nous pour être sauvés ensemble. Je crois qu'au terme de cette prière, nous aurons un cœur qui nous pousse à l'unité et à la réconciliation. Je prends le devant pour demander à Dieu de rassurer les réfugiés burundais qui sont dans les camps de réfugiés pour qu'ils rentrent. Que cette prière soit pour nous les membres du CNDD-FDD une occasion de rassurer nos concitoyens qui ne sont pas membres de notre parti. Nous leur disons que nous les aimons sans considérer ceux qui sont avec nous dans notre parti ou ceux qui ne le sont pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Comment pourrions-nous considérer comme ennemis ceux avec qui nous partageons le même destin? C'était le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye. L'archevêque du diocèse de Gitega salue l'initiative du parti au pouvoir d'offrir une occasion de grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il leur a accordées. Monseigneur Simon Namwana, qui estime que les autorités devraient être des serviteurs de la population, demande que ce moment de recueillement devant Dieu doit être soit une occasion pour les autorités d'implorer le Créateur pour qu'il puisse guérir les souffrances des Burundais. On l'écoute. Comme vous vous réunissez pour rendre grâce, il convient que vous pensiez au chemin le meilleur pour continuer à servir ce pays. J'ai choisi ce mot « servir » pour vous dire et vous supplier que vous êtes là pour servir. Il est indispensable de mettre la personne humaine et son bien au centre de toute action politique. Le citoyen qui confie à l'acteur politique la mission d'organiser la vie commune par le biais de l'élection devient en même temps le but de chaque décision qui se prend à son niveau. La centralité de la personne humaine dans l'action du gouvernant fait disparaître tout soupçon et toute peur. Et de la part de celui qui est au timon du navire et de la part des citoyens qui se sont satisfaits et engagés dans la solidarité effective avec les autres. Cette parole m'a été donnée comme représentant des invités à cette belle rencontre. Je me permets d'insister que l'enthousiasme que nous sentons au début de cette activité, cet enthousiasme, qu'il puisse non seulement se retrouver à la fin de cette rencontre, mais qu'il se pérennise dans ce pays où le bien-être de tous est possible si nous nous y engageons à bon escient. Et pendant que vous remerciez le Seigneur pour le bien que vous avez déjà atteint, pensez à lui demander de guérir toutes les souffrances que ressentent les citoyens qui nous entourent maintenant. Et se mettre également dans la même attitude de supplication pour que se vérifie pour notre pays le désir de paix, de justice, de développement pour chaque foyer, pour chaque famille. C'était Monseigneur Simon Namwana, archevêque du diocèse de Gitega. Page environnement, le lac Tanganyika est plus menacé par des déchets qui s'y déversent, de telle sorte que d'autres mesures devraient être prises pour une protection effective, en plus de la suspension des activités des sociétés pollueuses. Cette analyse d'un environnementaliste Diomède Mujojoma qui trouve que la production du lac Tanganyika a chuté suite à la pollution. Pour lui, même les activités de pêche devrait être réglementé pour sauver ce lac. Je vous prie de l'écouter. Vous voyez combien le lac Tanganyika est beaucoup menacé. Et d'ailleurs, je dirais que même d'autres décisions allaient être prises pour sa protection effective et efficace. Et il y a des décisions, par exemple, protégeant le lac Tanganyika contre les constructions excessives au bord du lac Tanganyika, dans la zone Tampo. Les activités agricoles qui s'effectuent au bord de ce lac Tanganyika, violant aussi les normes de la zone tampons, mais aussi réguler encore une fois la pêche, puisque actuellement nous voyons que selon le rapport de Global Nature Fund qui classe le lac Tanganyika pendant cette année 2017 en lac le plus menacé du monde, nous voyons qu'il y a eu diminution de production en ce qui est de la pêche, alors qu'il y a eu augmentation des pêcheurs. On nous dit que les pêcheurs ont augmenté 4 fois, tandis que la production a diminué de 25%. Et on dit que la capture par pêcheur et par an a diminué de 81%. Nous savons que les activités qui sont opérées dans ce lac Tanganyika nous bénéficient, nous tous, mais il faut que ces activités soient bien réglementées pour assurer la protection de ce lac qui est bénéfique pour le Burundi, pour les pays qui partagent ce lac, mais aussi pour le monde entier. Dans la suite de ce journal, les pharmacies de la mutuelle ne peuvent pas refuser de servir un médicament disponible aux affiliés. L'affirmation est du conseiller chargé de la supervision des officines de la mutuelle. Anissé Ngendangenzoa pense que le problème résiderait au niveau des pharmacies partenaires de la mutuelle qui, elles aussi, devraient servir les médicaments comme il se doit. Normalement, les spécialités comme les génériques, s'ils sont présents dans nos pharmacies, ils sont bien servis. On ne peut pas ne pas servir n'importe quel médicament qui est prescrit s'il est disponible. Donc, je ne pense pas que ce problème réside dans nos pharmacies. Ça peut résider peut-être dans les pharmacies partenaires. Et pourquoi ce problème justement dans les pharmacies partenaires? Peut-être à cause de la dévaluation, les prix ont monté et la liste de médicaments de remboursables est en train d'être révisé. Donc je pense que d'ici peu, on pourra avoir de nouveaux prix qui auront changé et cette fois-ci, je pense qu'ils pourront servir convenablement les affiliés. Est-ce que vous pouvez affirmer que même dans vos pharmacies, les affiliés sont bien servis? Je vous ai dit que si les médicaments sont disponibles, les affiliés sont bien servis, puisqu'on le suit au jour le jour. Pourquoi alors les affiliés se plaignent aujourd'hui? Je ne sais pas là où réside le problème, mais si dans nos pharmacies, les médicaments sont disponibles, les affiliés ont ces produits facilement. Donc c'est pour dire que pour être bien servi, les affiliés de la mutuelle doivent se présenter dans les pharmacies de la mutuelle? Oui, ils le savent très bien. Ils passent tout d'abord dans nos pharmacies et s'ils ne trouvent pas le médicament prescrit, on met en cachet pour les autoriser à aller acheter ça dans les pharmacies partenaires. Et les pharmacies partenaires qui refusent de les servir? Ça, c'est un autre problème. Mais normalement, quand nous collaborons avec les pharmacies partenaires, c'est pour nous aider à servir les produits dont nous ne disposons pas dans nos stocks. C'était Anissé Nguendangenzwa, conseiller chargé de la supervision des officines de la mutuelle de la fonction publique, qui le dit après que les affiliés de la mutuelle de la fonction publique se plaignent d'un manque de médicaments dites spécialités dans les pharmacies. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. À 13h05, au studio de la radio Sanganilo, le journal se poursuit. L'eau potable manque cruellement au chef-lieu de la commune Nyanzara, que nous sommes dans la province de Makamba depuis bientôt une semaine, au moment où les habitants de cette localité craignent d'attraper les maladies des mains sales. Jean-Claude Ndouimana, administrateur de cette commune, annonce la reprise incessante de la fourniture en eau potable après la réparation du réseau hydraulique au niveau de Mouyang et Somekredi. C'est une correspondance de Jean-Pierre Misago depuis Makamba. Depuis vendredi dernier, certains habitants du centre urbain de Nyanzara se rabattent aux eaux du lac Tanganyika ou de la rivière Guava pour la cuisine, la vaisselle ou la lessive. Ils affirment que c'est cette même eau qu'ils boivent s'ils n'arrivent pas à se procurer de l'eau potable puisée à partir de Kavungerezi à environ 8 km du centre urbain de Nyanzarak, une eau obtenue à 1100 francs burundais, un bidon de 20 litres, transport et coût d'achat confondus. Certains de ces habitants qui n'avaient pas vu la moindre goutte d'eau potable sortir de leur robinet ce jeudi matin redoutent déjà les maladies des mains sales et demandent que ce problème soit vidé avant qu'il ne soit tard. Jean-Claude Ndouimana, administrateur communal de Nyanzarak, se veut rassurant. Il affirme qu'après la réparation sur le crédit du réseau hydraulique au niveau de Mouyang où les tuyaux s'étaient cassés, certains coins de ce centre urbain sont réapprovisionnés en eau potable dès ce jeudi matin et il faudra attendre que les réservoirs soient à plein pour que tous les ménages du centre urbain de Nyanzarak soient de nouveau servis. Jean-Pierre Misago de Nyanzarak, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Nyanzarak, Cap sur Ruyigi, pour parler d'une hausse des prix des matériaux de construction. Les briques cuites ont connu une augmentation de plus de 100%. Elles sont actuellement vendues à 20 francs par pièce, alors que ce prix n'avait jamais dépassé 8 francs burundais. Les fabricants des briques disent qu'ils ont revu ce prix à ce niveau parce qu'il peut plus cher auprès de la coopérative Comatraco qui leur accorde des espaces à exploiter. N'est-ce pas, Jean-Claude Nchimilimana, depuis Burundi? 20 francs burundais et le prix d'achat d'une brique cuite depuis le début de ce mois d'août au lieu de fabrication à Yatsinda, à la colline Ngarama, à environ 2 km de la ville de Ruyi. Ceux qui achètent des briques se plaignent que ce prix a démesurément augmenté puisqu'elles étaient achetées à 8 francs burundais par pièce l'année passée et à 6 francs seulement pour les années antérieures, soit une augmentation de 150% par rapport au prix de l'année passée. Les fabricants de briques contactés disent qu'ils ont été contraints de revoir ce prix à la hausse pour éviter de travailler à perte. Ils expliquent qu'ils reçoivent un espace à exploiter de 10 mètres sur 6 de la part de la coopérative Comatraco, moyennant paiement de 50 000 francs burundais ou un engagement de payer en nature 7 000 briques. En plus de cela, ils payent à la même coopérative 4 francs burundais pour chaque brique vendue, ont-ils indiqué. Innocent Daiziga, président de cette coopérative Comatraco, qui a eu l'autorisation d'exploiter l'argile à ce site, fait savoir que la coopérative n'exige rien de trop. Il explique que les 4 francs encaissés pour chaque brique vendue comptent aussi bien pour l'intérêt de la coopérative que pour le paiement des taxes à l'État via l'OBR. Selon lui, l'enchère est à rechercher ailleurs. Vous saurez que même les prix des autres matériaux de construction ont eu aussi augmenté. Celui du moellon, tout comme celui de sable, est actuellement à 70 000 francs par benne, alors qu'il était à 55 000 francs en cette période de l'année passée. Jean-Claude Nchimilimana, Ruigi, Radio Sanganiro. Merci à Jean-Claude Nchimilimana. Des marchands opérant dans certains marchés urbains sont satisfaits de la propriété, bien que ne sachant pas où ils sont acheminés. Les saletés provenant de ces marchés. Mireille Kanyangé a visité certains marchés de la capitale. Voici son reportage. C'est le marché dit Kotebu en commune urbaine de Nahangwa, ceux de Jabé et de Ruvumera en commune urbaine de Mukaza qui ont retenu notre attention ce jeudi en matière de salubrité. Au marché dit Kotebu, nous y avons trouvé des feuilles de bananes sèches servant d'emballage pour les tomates, des feuilles éparpillées au sud de ce marché, là où deux camions Ben ramassaient des saletés qui y étaient, deux femmes balayaient de l'intérieur vers cette sortie. Au marché de Jabé, ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer sur notre micro nous ont témoigné de leur satisfaction quant à l'hygiène dans ce marché, bien que dubitatif sur l'acheminement des déchets provenant de ce marché. Certains nous ont indiqué que ces déchets sont jetés derrière la salle de réception La Mécarde, située à l'avenue de l'imprimerie. Nous y avons été. Notre constat est que la montagne d'immondices qui s'y trouve n'a pas fait objet de dépotoir clandestin durant au moins les deux dernières semaines. C'est après que nous sommes allés au marché de Ruvumera en zone Buyenzi, à l'endroit réservé aux saletés, il y a des sortes de fûts pour mettre des déchets provenant de ce marché. Une fois remplis, ces objets sont vidés puis ramenés à leur place. Pas de grogne des marchands. D'autres avec qui nous nous sommes entretenus demandent que d'autres endroits soient nettoyés à la lumière de ces marchés et que les différents déchets soient jetés à la décharge publique. Merci Mireille Kanyangé pour ton reportage. Je vous le disais dans les titres que la Commission nationale des terres et autres biens a sorti ce jeudi. La famille d'un certain Roura Dédéye Arnaud de la maison 6A au quartier Troua à Ngagara, mairie de Bujumbura, pour la remettre à la veuve de feu Samuel Mani Irakiza. Le représentant de la famille Roura Dédéye parle de spoliation et injustice. Léonce Vitaliho est avec moi au studio. Bonjour Léonce. Bonjour Placide. Oui, le représentant de la Commission nationale des terres et autres biens indique devant les forces de sécurité que la famille Roura Dédéye, qui venait d'être sortie, n'a plus le droit de mettre le pied dans la parcelle qu'elle venait de remettre à la veuve de Samuel Manirakiza. Je voudrais déclarer officiellement qu'à partir de ce 17 août, cette parcelle 6 en commune Nhaangwa, zone Ngagara, quartier 3, numéro 17, est cédée à la famille Manirakiza Samuel, représentée par Nshimirimana Léonie. Léonie Nshimirimana, la veuve de Manirakiza Samuel, se dit satisfaite de la décision prise en sa faveur par la commission, mais à l'entendre, elle voulait plus que ça. La famille lésée, à savoir celle de Roura Dédéye, a refusé d'apposer sa signature au rapport de la commission. Hervé Gateletse, le représentant, explique que ce rapport ne dit pas tout de ce qu'il avait présenté comme irrégularité, l'état de la maison et de la parcelle notamment. Par ailleurs, dit-il, son père avait acheté la maison en location-vente chez Samuel Manirakiza, le premier acquéreur qui était en train de la payer progressivement à la banque BND. La partie adverse représentée par madame, la succession Manirakiza Samuel, était le premier acquéreur. Je crois bien que c'était au mois d'octobre 1971. Alors ce qui s'est passé, c'est que la maison donnée en location-vente devait être payée, remboursée mensuellement sur une période de 5 ans, de 5 ou 6 ans. Les documents peuvent le dire, j'ai le document. Alors la maison, le 31 mars 1972, Manirakiza Samuel, il a vendu les droits qu'il avait sur la maison avec mon papa, feu Roura Dédéye Arnaud. Devant les représentants de la Commission nationale des terres et autres biens, une seule partie des deux en conflit, c'est-à-dire celle de Manirakiza Samuel, a pu apposer sa signature. Merci Léonce pour ton reportage. Vous avez entendu qu'il était avec moi au studio. À la source, reportage. L'eau thermale de la colline Mugara, nous sommes dans la commune et province de Rumonge, a une grande utilité, comme le confirment certaines personnes rencontrées sur place au moment où la commune vient d'aménager ce site. Les touristes et ceux qui offrent différents services à cet endroit affirment que cette eau a des vertus thérapeutiques, comme l'a confié à Charles Makoto qui est à Mugara. L'eau qui est en train de couler est l'eau thermale d'Omagara en zone gâtée de la commune et province d'Orumongue, chaude de 40 à 45 degrés par endroit. Une piscine a été aménagée par la commune. Eric Ndaïroukié est chargé de recevoir les touristes sur ce site. Il indique que ceux qui viennent se baigner dans l'eau thermale d'Omagara témoignent des bienfaits de cette eau. Il parle également d'un coup de pouce aux finances communales. Ceux qui viennent ici sont souvent des personnes adultes. Les autres sont ceux qui ont différents problèmes de santé. Il y a des jeunes qui viennent pour leur plaisir. Ils témoignent des bienfaits de l'eau thermale dans l'amélioration de la santé. Il y a ceux qui demandent qu'il y ait construction d'hébergements. Il arrive des fois où on collecte une somme de 2 millions de francs bou par mois ou plus. Des fois, on peut aller légèrement en dessous. Alexis Ndaïsaba, lui, offre des services de massage aux touristes. Les demandeurs de ces services, dont la majeure partie est composée des personnes adultes qui parfois souffrent de certaines maladies, disent qu'ils rentrent guéris. Les gens à qui on fait le massage sont ceux qui souffrent de différentes maladies. On peut vous dire par exemple ceux qui souffrent de la paralysie, ceux qui souffrent des maladies de la goutte, ainsi que ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, qui ont des rhumatismes. À part ça, ceux qui ont de la fatigue peuvent être également massés. D'habitude, nous recevons des gens en provenance de différents contrées du pays. Ceux qui viennent d'Ngozi, Bubanza, Makamba, car ils ont déjà appris que cette eau thermale peut leur faire du bien. Pour le massage, on fait payer 3000 francs bou. Pour se baigner, on fait payer 2000 francs les jours ordinaires et les week-ends, c'est 3000 francs bou. Ces propos sont approuvés par les bénéficiaires. Etienne Manirakiza est l'un d'entre eux. Venir ici dans l'eau thermale, c'est parce que moi aussi, j'ai appris des bienfaits fait de cette eau. Comme nous qui habitons un milieu froid, quand tu te rends compte qu'en faisant du sport, ça te fait mal, quand tu viens dans l'eau thermale, il y a des changements. Moi, j'en suis témoin quand j'ai beaucoup travaillé et parfois j'ai mal aux genoux. Quand je viens dans l'eau thermale, je me sens soulagé et je passe des jours en bon état. Si ce site de l'eau thermale de Mugara, un espace spécialement réservé aux filles et aux femmes, a été aménagé. Charles Makoto a précisé que le gouverneur de la province d'Orumongue fait savoir que la commune, en partenariat avec les hommes d'affaires, envisage d'y construire un hôtel. Il fait également savoir que ce site touristique de Mugara sera inauguré officiellement dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne journée à tous. Au revoir.